De retour sans détour autour du sujet comme un vautour, c'est Doc Babylon 69.3 FM. Pouvez-vous croire qu'il y en a qui ont signé une pétition pour canceller mon émission? Non, man. Ok, on dit pas sans nom, c'est vrai. Non, mais pour le vrai, ils réalisent pas que c'est pas si facile que ça d'avoir un show ou de faire un disque. Check bien, man. Tous ceux autour de toi qui disent qu'ils savent animer ou qu'ils savent rapper, ces gens-là, il y en aurait tous un disque ou une émission, si jamais ça serait si facile que ça. C'est dur, le show business. C'est très, très dur. Mais anyway. Je sais pas vraiment comment leur expliquer que ces gens-là, dans le fond, c'est juste des jaloux et puis qu'ils réalisent pas le travail d'un travailleur. Mais bon, c'est pas vraiment grave. Ils restent chez eux et puis attendent leur chèque de BS et puis ils ont rien d'autre à faire parce qu'ils sont pas à faire face à la réalité. On devrait changer nos priorités puis se mettre à respecter les gens qui travaillent de 9 à 5 ou de 5 à 9, mais les gens qui travaillent puis qui ont de vrais jobs que ceux qui sont à la aïeule puis qui font jamais rien. Fait que pour l'instant, ben, pour ceux qui continuent à dire qu'ils rappent et qu'ils font des affaires, ben, tant que vous n'avez pas de 10, tant que vous ne faites rien, vous êtes des poulons. Et puis, arrêtez de faire à la gueule, quoi. Et nous, on va recommencer avec un autre jam de KC, parce que il est temps que je parte, que j'ai relaxé, il est un peu tard. Et puis, il y a une dame dans le studio, fait qu'on s'en va tout à l'heure. 69.3 FM.